J'attends que la piste pointe pour nettoyer tout mon passé qui saigne. C'est des années trop tard, j'pense à tous les gens dépassés qui saignent. T'inquiète, tout ira bien, je crois que c'est la promesse de trop. Y'a pas de prince de la vie, juste des morts vivants qui protègent le trône. Tous les démons dispersent mais reviennent dans les gyroparcs. L'argent ça rend vivant, on voit plus 11 fantômes à gyroparc. L'espoir nous glace le sang, le quotidien nous crame l'essence. Les boss perdus s'endorment en espérant que le prix du crâne descende. On trouve de la rage un peu partout, y compris dans mes tripes. J'aime pas les hypocrites, c'est peut-être pour ça que je suis tout seul dans mes clips. Je laisse pas la trace dans les cœurs, donc je la laisse sur une page. J'ai vu l'avenir avec des kilos de hachis, j'planquais dans une cave. La solitude me bouffe, ça en devient pas dédié. L'amour se trouve pas dans du shit, dans une bière ou dans un paquet de chips. Je sais ce que j'ai à faire, je balance pas des couplets dans le vent. Laisse pas traîner ton fils la nuit, les démons découpent les enfants.